Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Aujourd'hui, un mot me vient en tête pour qualifier mon invité, inclassable. C'est un qualificatif génial parce qu'il ouvre la porte à toutes les opportunités, toutes les extravagances. Quand on est inclassable, alors rien n'est impossible. Lui, par exemple, il est journaliste, animateur radio, chroniqueur TV, DJ, producteur, réalisateur ou encore comédien. La liste est longue. Et pour cause, il fait partie de ces figures de l'audiovisuel français au CV à rallonge. Alors vous vous en doutez, je suis ravie et fière de l'interviewer aujourd'hui. Ariel Wiesmann, vous allez nous parler du jour où vous vous êtes retrouvé face à une piste vide, c'est ça ? C'est une expérience typique, c'est pas simplement un jour, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et comme ça m'est arrivé plusieurs fois et que c'est quelque chose qui est un décalage radical entre ce qu'on imagine à l'origine et ce que l'on vit sur le moment, je trouve que c'est intéressant de le raconter. C'est-à-dire que lorsque l'on est DJ, on a le fantasme. Le fantasme, c'est cette foule en sueur que vous contrôlez au moindre... Qui crie votre nom en jetant leur soutien-gorge. cette espèce d'osmose transpirante, de sensualité qui passe, de moments d'oubli total, de foule compacte qui bouge au moindre de vos caprices, de vos gestes, de cette réponse extraordinaire. Et donc, c'est toujours... ça que vous poursuivez en quelque sorte, c'est un fantasme presque sexuel, presque animal et un fantasme aussi sans aucun doute narcissique, de contrôle, d'être au fond au centre des choses sans les subir, d'être celui qui impulse les choses. Et puis il y a une sorte de frontière en fait, quand on y réfléchit, il y a une frontière qui est délimitée par la machine entre vous et la foule qui est un peu plus bas d'ailleurs, quand exactement, on y réfléchit. Exactement, c'est quelque chose où on domine une sorte de vague, et effectivement ça se produit, on surfe sur cette vague humaine, et ça arrive même plutôt fréquemment. Mais très souvent, par exemple, on écoute un morceau seul chez soi et on se dit ça va être incroyable. Les gens vont réagir tout de suite et c'est évident qu'il y a quelque chose. Parce que soi-même, on a des choses qui résonnent à cette ligne de basse, à cette rythmique. Et quand on se trouve devant la foule, il ne se passe rien. Et il y a des périodes où quand on est DJ... Vous pouvez nous raconter, je ne sais pas, un épisode en particulier ? Oui, justement, lorsqu'on est DJ, on est souvent amené à accepter des choses sans trop savoir ce que c'est. C'était une période où, j'étais plutôt pas mal demandé, donc je pouvais mixer 2-3 fois par semaine. Et puis c'était aussi une période où les choses étaient plutôt bien payées, agréables, elles s'enchaînaient l'une après l'autre et les propositions venaient. Et finalement, au bout d'un moment, on réfléchit moins que... On se remet peut-être moins en question. Voilà, et on a l'impression que où qu'on aille, les gens vont vous regarder. Ah bah ouais, venez, on va tous danser. Et parfois, ça n'est absolument pas le cas. Et un ami qui est dans la région de Bordeaux m'appelle et me dit « Écoute, il va y avoir une fête fantastique dans les vignes. » On était au mois de juin. Génial. Voilà, c'est dans les vignes. Tu vas faire danser plein de gens. Je t'expliquerai quand t'arrives. Bon, c'était vague. J'ai dit, bon, oui, d'accord, tu me diras. C'est complètement burlesque. Voilà. En plus, on se dit que... Exactement. Il dit, tu vas être dans un très bel hôtel. Les gens t'attendent, ils sont comme des dingues, etc. Bon, évidemment, d'accord, pas de problème. C'est plutôt flatteur, en plus. Voilà, et donc je prends mon train, je suis très content. Je réfléchis pas vraiment, je fais une sélection de morceaux en me disant, oh là là, j'imaginais comme ça, le soleil se couchant, la nuit arrivant, les gens un peu ivres, le mélange comme ça dans ce décor un peu de avec des gens qui tombent amoureux, des gens qui s'embrassent derrière des treilles comme ça. Et en fait, j'arrive, il m'accueille, il me dit « Oh, tu sais, c'est un peu bizarre. » Et déjà, je vois que le temps est un peu pluvieux. Ah merde. Non seulement pluvieux, mais vraiment frais. Un peu cette espèce de froideur océanique, ouais, pas très ouais. agréable. et on traverse comme ça. On se retrouve du côté de la dune du Pila, puis je ne sais plus, puis blablabla. Et on arrive à un endroit. Puis le temps est très changeant là-bas en plus. Oui, et le temps est très changeant en mauvais ce jour-là. Et on arrive dans un endroit, et là, c'est la surprise. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des vignes, mais elles sont loin. Et on est dans une espèce de terrain sablonneux, municipal, sur lequel il y a véritablement des personnes âgées, vraiment un club du troisième âge, avec vraiment une espèce de béret basque ou béret gascon, je ne sais pas. Et ils sont vraiment autour d'un poêle en train d'essayer de se réchauffer et de faire cuire des châtaignes. Et j'ai le souvenir de ces gens-là qui... se prennent les châtaignes les uns aux autres, sont absolument indifférents, ne savent absolument pas qui je suis. Ariel, qui Voilà, ils me regardent, oh, bonjour monsieur. Ouais. Et moi, je suis au milieu en me disant, mais il va quand même se passer quelque chose. Alors, il y a un ou deux jeunes dont on sent que leur préoccupation principale, c'est l'essence de leur mobylette et le prochain match du club bordelais et qui me regarde avec une espèce de ouais, truc genre, mais qu'est-ce que c'est que ce vieux fruit confit qui arrive en plein milieu du truc et je me dis mais il y a des platines vraiment ici et on me montre une espèce de système de sono complètement antique, dégueulasse et là je suis en train d'essayer de comprendre comment ce truc va fonctionner, ouais, qui va danser, comment et quoi. Et là, la pluie commence à tomber. Oh mon Dieu. Et la pluie tombe. Donc, les gens, quand même, c'est un peu leur fête municipale. Et moi, je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais vraiment là ? Et chacun s'abrite. Ils se disent, non, mais quand même, il faut qu'on participe, etc. Et donc, je mets un morceau, deux morceaux et j'essaye de faire en sorte que la musique soit accessible. Et puis je mets des choses un plupart, peu en... connues. Ouais. Y a strictement aucune réaction. Oh mon Dieu. Mais pas la moindre. C'est-à-dire que je vois des gens obnubilés par leur châtaigne. Oh mon Dieu. En train de discuter, bon, probablement. Les châtaignes, j'adore. Hein. Je peux pas leur en aucun vouloir problème. Là-dessus. Mais en train de discuter, je ne sais pas, peut-être du prix de la truffe ou de l'ouverture de la chasse ou de la fermeture. Avec de ou la musique emmerdante en fond sonore, voilà, qui fait qu'on ne peut pas bien s'entendre. Voilà, avec un type dont on sait, ah ouais, bon, espèce de Parisien, qu'est-ce que c'est que ce mec qui est arrivé ? Oh, bah vraiment, bah non, mais je ne l'ai jamais vu. Ah, vous avez Canal Plus, vous, monsieur Marchandeau ? Bah non, bah, je ne sais pas qui c'est, moi. Et les gens, absolument pas aimables, même, quoi. C'est une espèce de rejet, vraiment de rejet. Tu le ressens à ce moment-là ? Ah, bah je le ressens, mais en pleine face. Alors, avec mon copain Mouloud Achour, on avait l'habitude, parce qu'il y a eu des périodes où j'ai eu besoin de faire ce genre de truc pour l'argent, lorsqu'il y avait un plan dans une ville un peu pas terrible, je lui disais, viens avec moi, j'ai un gouffre. Ça s'appelle un gouffre, c'est un truc où c'est pas génial, mais on y va et on boit un peu. Il est sympa, Mouloud. Hein. Voilà, et on y allait ensemble et on rigolait, quoi. Et là, c'était plus qu'un gouffre, c'était le gouffre dans le gouffre. Et en plus, j'étais seul. Le gouffre de Padirac sur une petite barque. Ouais. C'était à la fois le gouffre, la galère, la chute. Et en fait, là où le gouffre, normalement, c'était un truc marrant, parce que finalement, il y a toujours quelqu'un de sympathique, oui, partout, etc. Oui, il y a toujours un petit bistrot où se retrouver après. Voilà, ouais. Il y a toujours un petit after bizarre, un truc où on peut se dire, bon, allez, on fume une clope, on boit un verre et tout va bien, quoi. Et là, c'était vraiment radicalement l'échec. L'échec, bon. Le rejet, l'impossibilité de trouver une sortie. C'est-à-dire, les gens se sont mis à danser, mais sous la pluie, de manière totalement... Au bout de, je ne sais pas moi, facilement une heure. Oh mon Dieu. Et il y a eu vraiment un long moment comme ça de galère. Et en fait, je pense que le secret de ces moments-là, c'est que le cinéma, en fait, nous apprend à imager notre vie, à nous dire ah ben voilà, c'est ça être un loser, c'est ça avoir raté sa vie, c'est ça. C'est à prendre des moments comme ça, comme des espèces d'instantanés, et se dire, comme par exemple le type bon qui est là, sa femme s'est endormie, ils n'ont pas fait l'amour, alors il se dit ah ben voilà, je suis en échec, je suis qu'une merde, etc. Et en fait, c'est apprendre à ne surtout pas faire ça, à ne jamais se regarder comme ça dans l'image de la loose, à ne presque jamais regarder sa vie de l'extérieur. Oui, c'est parce qu'il y a une complaisance en fait à regarder sa vie de l'extérieur et à la peindre un peu comme le tableau de l'échec. Et en fait, c'est complètement idiot parce que ce ne sont que des instants. Ces instants passent. Une fois qu'on rentre chez soi, on reprend sa vie. Et l'échec, c'est quelque chose qu'il faut surtout éviter d'imager, éviter de fixer comme une eau forte, quoi. Et au contraire, dire, voilà, c'est une image mouvante, ça n'est que quelque chose qui passe et qui rentre dans un cycle à un moment. Et de toute façon, une fois qu'on est là, bah, il n'y a que du mieux après. Et c'est comme ça qu'il faut le vivre. C'est très intéressant parce que ça donne l'idée que on donne trop de puissance et trop de force à nos échecs. Ouais. Et en fait, si vous y réfléchissez bien, voilà, vous avez raté votre train aujourd'hui, mais vous avez peut-être fait plein de choses bien. Ouais. Et tout d'un coup, le train raté prend toute la place. En fait, il faut savoir réussir son ratage. Et il faut savoir aussi rater un peu sa réussite. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir panacher les choses. Les gens qui considèrent que leur vie est une réussite permanente arrivent dans une espèce de surchauffe, de confiance en soi excessive, d'hyper-oxygénation. Incapable de se remettre en question. Oui, et qui fait qu'en fait, ils vivent sans le savoir dans la peur de un peu moins. Et en fait, il ne faut jamais avoir peur d'un peu moins, parce qu'un peu moins, c'est la preuve, au contraire, qu'on est un système calé sur la biologie. La biologie, ça n'est que ça. Il y a le moment où on se lève, on est un peu dans le pâté. Il y a le moment où on vient de manger, on a envie de s'endormir. Et c'est comme ça, la vie, elle est vraiment de cette nature-là. Elle est d'une nature où le ralentissement et l'accélération sont jamais loin l'une de l'autre. Et donc, ce qui est très marrant avec cette espèce de désir de communiquer, qui est le truc du DJ, ce désir d'avoir une espèce de ligne directe avec l'âme un peu animale des gens, c'est que parfois c'est fermé complètement et qu'à ce moment-là, il faut chercher le langage, il faut essayer d'adapter de plus en plus, il faut trouver, et on est obligé de sortir de soi et de regarder les gens qui ne vous regardent pas jusqu'à ce qu'ils vous regardent. C'est intéressant ça. Voilà, et donc être dans la conscience de son échec, qui est un peu une complaisance, il y a beaucoup de masochisme. Oui, c'est ça. Vrai, tout à fait. Beaucoup de c'est très agréable, en fait, les gens, quand ils souffrent. Enfin, c'est masochiste si on s'attarde dessus. Je pense que c'est important de regarder l'échec en face, de le regarder droit dans les yeux. Ouais. En revanche, de le garder sous le coude, bien au chaud dans son sac à main, ça, c'est du masochisme. Oui, mais parce qu'en fait, il y a une dimension très narcissique à souffrir. Et à, tant qu'on souffre, on se sent vachement exister, quoi. Et très souvent, les gens estiment que c'est indigne d'eux, ce qui leur arrive, et que donc, il faut changer de direction. Mais non, ce n'est pas indigne de toi, ça fait partie de toi, et ce n'est pas très grave. Et donc, moi, j'entends des couples, « Ah, mais écoute, l'autre soir, on s'est endormis tous les deux devant la télé, donc je pense que c'est fini, on va divorcer, quoi. » Mais, s'il te plaît. Enfin, bien au contraire, dans un film, c'est l'image arrêté d'un couple qui est en échec, mais dans la vie, c'est l'image d'un couple qui a réussi. Au contraire, c'est l'image d'un couple où les gens sont détendus. Ouais, bien sûr. Donc, et c'est ce que vraiment, moi, je retiens, c'est ne surtout pas plaquer des images cinématographiques sur sa vie. C'est vraiment ça. C'est ne pas se dire, tiens, ça, c'est l'image de l'échec. Et c'est effectivement, si on le décrit, je suis là, devant des péquenauds qui n'en ont rien à foutre de moi. Finalement, ils sont mieux que moi. Je ne sais pas les faire danser. Je suis une merde. Pff, c'est ridicule. Enfin, non, il faut outrepasser tout ça. Ben, merci beaucoup, Ariel Wiesman. C'était vraiment intéressant. Merci de m'avoir fait confiance pour ce 6e épisode. Et de l'humour surtout, il faut. Et de l'humour, bien sûr. Ça, quoi qu'il arrive, ça sauve toutes les situations. Exactement. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur iTunes, à en parler autour de vous, à me faire un petit message pour me donner vos retours. Je les transmettrai à Ariel avec grand plaisir. On se dit à bientôt.